Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, il est toujours bon de s'arrêter et qu'on te laisse nous parler, qu'on te laisse nous sonder, qu'on te laisse nous révéler ce qu'il y a encore de mensonge en nous, afin qu'on puisse marcher selon ta vérité. Ta vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, instruis-nous encore ce matin, car notre désir profond, c'est de te plaire, c'est de t'adorer, c'est de te glorifier, c'est de t'exalter, te louer, te proclamer correctement. Au nom de Jésus, amen. Nous devons tenir compte, quand nous lisons un livre, comme 2 Corinthiens ou un autre livre, tenir compte du contexte dans lequel ça a été écrit. Qu'est-ce que l'Église vivait pour que Paul leur dise là? Qu'est-ce que l'Église avait comme problème ou comme réaction positive à l'Évangile? Exemple. Dans beaucoup d'Églises, on a l'habitude de lire 1 Corinthiens 11 quand on parle du repas du Seigneur. Mais pourtant, les Églises ne sont pas tous dans la situation d'un Corinthien. Les Églises ne vivent pas toujours 1 Corinthiens 11. Les églises ne se rassemblent pas toujours pour devenir pires, comme Paul dit aux Corinthiens, chapitre 11. Donc, il faut faire attention d'utiliser ces passages-là sur des églises qui fonctionnent ce qu'on appelle normalement. Comme l'église de 2 Corinthiens que nous lisons présentement, que nous étudions, l'église est dans une situation spécial. Il y a dans son sein des hommes qui se disent des croyants, mais que Paul déclare être des faux docteurs, des faux apôtres, des apôtres de Satan. Est-ce qu'il y a toujours, dans toutes les églises, tout le temps, de ce genre de personnes? Je dirais non. Je parle d'église locale, bien entendu. Donc, il faut faire attention à comment on utilise les textes pour bien les comprendre dans notre vie et bien les appliquer dans notre vie et dans la vie de l'Église. Nous avons vu jusqu'à date, au chapitre 10 et 11, Paul défend son apostolat. Paul se démontre que son apostolat est le vrai apostolat. C'est lui qui a été recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a annoncé la bonne nouvelle aux Corinthiens, afin qu'ils puissent être sauvés. Paul leur dit que pour se défendre, il va prendre des armes spirituelles. Nous avons vu cela ensemble. Il dit, c'est donc de valeur. Vous regardez encore à l'apparence. Il y a des gens qui se présentent au milieu de vous, comme des chrétiens, comme des envoyés de Christ. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont juste l'apparence. Vous ne deviez pas vous fier à l'apparence comme vous le faites, mais vous fier aux Écritures. Et il leur a dit, au chapitre 11 qu'on a commencé, ben il dit, j'ai peur. J'ai peur que je ne puisse plus vous présenter à Christ comme une vierge pure. J'ai peur que vous perdiez votre virginité en suivant de faux docteurs, en partant avec un autre époux que l'époux que je vous ai présenté, qui est Jésus-Christ. Et on a vu la dernière fois, faites attention aux apôtres de Satan qui se déguisent en anges de lumière. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre 11, et Paul, pendant plusieurs versets jusqu'au chapitre 12. Il va même entamer le chapitre 12 avec, en comparaison, les paroles d'un insensé et les paroles d'un sage. Paul dit, si vous êtes capable de suivre les insensés, mais je vais me présenter à vous comme un insensé. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Lisons ensemble, à partir du chapitre 11, verset 16, jusqu'au verset 20. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Donc l'apôtre Paul il dit, permette-moi de parler comme un insensé, afin que je puisse me glorifier un peu. Vous qui prenez plaisir ou que vous voulez vous tourner vers des insensés, qui parlent comme des insensés, ben je vais parler comme un insensé. Permette-moi cette folie-là. Il dit au verset 17, je ne le dis pas selon le Seigneur. Donc, il y a des choses qu'il va dire là qu'il ne devrait pas dire, qu'il ne dit pas normalement. Mais il va les dire pour se comparer avec ces gens qui étaient, qui lui appelle des insensés. Donc, il dit, si vous voulez vous attacher à des gens comme cela, mais je vais me comparer à eux autres. Et même là, si je me compare et si je parle comme un insensé, je suis encore en meilleure position que eux. Toujours en parlant ainsi comme un insensé. L'insensé dont Paul parle ici au verset 18, c'est celui qui se glorifie dans la chair ou selon la chair. Donc, si vous voulez accepter des gens qui se glorifient dans la chair, permettez-moi à moi aussi de me glorifier dans la chair. Je ne devrais pas le faire. Ce n'est pas le Seigneur qui me pousse à faire ça. C'est vous autres qui me poussez à le faire afin que vous puissiez m'accepter parmi les insensés. Que veut dire Paul quand il dit qu'il y en a qui se glorifient selon la chair? Qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi est-ce que les êtres humains se glorifient-ils? De quoi est-ce que les faux apôtres se glorifient-ils? Parce que dans notre contexte, c'est ça dont ils parlent ici. De quoi se glorifient les personnes religieuses? De quoi se glorifient les faux enseignants aujourd'hui? Et dans ce temps-là, c'est la même chose. Je crois que la plupart des religieux, des chefs religieux ou des gens religieux se glorifient selon la chair. Certaines personnes qui parlent se glorifient de leur éducation, de leur diplôme, de ce qu'ils ont, de leur instruction. Ils pensent qu'on devrait les écouter et les suivre parce qu'ils sont très instruits. Ils mettent un paquet de lettres à la fin de leur nom, supposant que ceci leur donne plus de crédibilité que celui qui n'a pas de lettres à la fin de son nom. J'ai rien contre la lettre au bout des noms. Mais de se glorifier dans cela, de croire que ceux qui ont le plus de lettres à la fin sont plus crédibles, c'est une erreur. Il y a plein de personnes qui mettent plein de lettres à la fin de leur nom et qui marchent selon le mensonge, qui ne marchent pas selon la vérité. D'autres se glorifient de leur rang social parce qu'ils sont les chefs, parce qu'ils sont les représentants, les ministres, les premiers ministres, les chefs religieux. Ils se glorifient de leur situation et ils parlent, puis veulent être écoutés. Ils nous encouragent à les suivre à cause de leur rang social. Évêques, prêtres, on invoque notre rang social afin de se glorifier dans la chair ou selon la chair. D'autres se glorifient de leur exploit, de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se glorifient. Et du côté spirituel, du côté biblique, les faux docteurs se glorifient de leur accomplissement moral et spirituel. Si vous regardez la vie de Bouddha, exemple, si mes informations sont exactes, un homme qui vivait dans la richesse, qui se dépouille de tout cela et qui va vivre simplement, à cause de ce qu'il était capable de vivre ainsi, on lui donne de la crédibilité. Oh, lui était riche, il a abandonné tout ça, il vit maintenant dans la simplicité. On a tendance à le suivre, et des millions le suivent. Et surtout dans le monde des églises, ceux qui vont vouloir tromper l'église, c'est souvent des gens très religieux, très performants, qui vont se vanter de leur capacité de faire toutes sortes de choses pour Dieu. Ils parlent de leur accomplissement. Ils se vantent et se glorifient selon la chair. Il faut faire attention à ces gens-là. Ceux qui parlent d'eux-mêmes ou qui veulent qu'on les suive à cause d'eux. Peu importe qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la chair. Et parce que l'apôtre Paul avait dit, la semaine passée, vous vous fiez à l'apparence, vous regardez à la chair. Et vous êtes en train de vous laisser tromper et séduire. Et remarquez bien qu'il dit, au verset 19, « Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. » Donc ici, il parle que les sages, les Corinthiens qui sont sages, supportent volontiers les insensés. Ils les acceptent. Même ils les regardent. Ils sont en train de se laisser séduire. Les sages, en comparaison des insensés, c'est supposément ceux qui ne se glorifient pas dans la chair. C'est ceux qui se glorifient en Dieu, en Christ. Ceux qui voient pas la sagesse en eux, mais la sagesse en Dieu. C'est pas ceux qui se fient dans leur connaissance, dans leur éducation, mais qui se fient dans la parole de Dieu, dans le Saint-Esprit. C'est eux autres les sages. Ceux qui ont adhéré à l'Évangile. Ceux qui se sont repentis, qui se sont convertis à Jésus-Christ. C'est eux autres les sages dans notre texte ici. Mais les sages supportent volontiers les insensés. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il l'explique au verset 20. Si quelqu'un vient vous asservir, si quelqu'un vient puis vous dévore, si quelqu'un vient qui s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Les sages supportaient ce qu'on vient de lire au verset 20. Comme les chrétiens qui regardent à l'apparence vont avoir tendance à supporter qu'on les dévore, qu'on les malmène, qu'on leur frappe au visage, Tout cela, mes frères et sœurs, je ne crois pas là, que c'est physique. En tout cas, premièrement, ce n'est pas physique. Je ne crois pas que ces hommes-là, ces faux apôtres, étaient dans l'église de Corinthe et qu'ils donnaient des claques à la gueule à tout le monde. Je ne crois pas qu'ils les dévoraient. Mais ils parlent, je crois que moralement, spirituellement, psychologiquement, ils les asservissaient. Il les contrôlait, il mettait sur eux des poids qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes bouger, un peu comme les pharisiens, que Jésus dit, vous mettez sur eux des lourds fardeaux. Vous qui êtes sages, vous qui avez été sauvés par la grâce de Dieu, vous qui croyez à un salut gratuit en Christ, vous qui avez vu en Jésus la personne de Dieu incarnée, vous qui êtes sages, ne vous laissez pas malmené comme cela spirituellement. Ne laissez pas les gens vous faire des tripes de culpabilité. Ne laissez pas ces gens-là vous contrôler moralement en vous disant que vous n'êtes pas des bons chrétiens parce que ceci ou parce que cela, parce que vous ne faites pas ceci ou vous ne faites pas cela. Ou vous êtes séparés de Dieu parce que vous vivez dans le péché. Ils mettent des poids et accablent les chrétiens. Je parlais avec quelqu'un hier, un homme qui fréquente une église, et il m'a partagé une belle expérience qu'il a vécue, qu'il a dit. Et dans ma tête, je me suis dit, tu te laisses bafouer, tu te laisses tromper, tu te laisses tromper. Tu vas être déçu dans un an, dans deux ans, tu vas bien voir que ton problème de la chair n'est pas réglé et que tu vas être encore pris avec tes difficultés. On t'attache, on te maintient dans une espèce d'esclavage pour te contrôler. Attention, dit Paul, vous qui êtes sages, ne vous laissez pas asservir, ne vous laissez pas contrôler, ne vous laissez pas frapper, ne vous laissez pas taquer. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu sauvés par grâce. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils font ça, les Corinthiens? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est l'ignorance des Écritures? Est-ce que c'est les modèles, les chefs, les leaders du groupe qui vont dans cette direction-là puis ils sont en train de suivre leur leader? Est-ce qui veulent satisfaire la chair pour se glorifier eux autres aussi, comme le font les faux apôtres? Ou est-ce juste une manifestation qui ont fait une fausse profession de foi, qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu, et qui vont finalement perdre leur virginité, et qui vont suivre les faux apôtres, et tomber dans le même trou qu'eux autres? Qu'est-ce qui fait que les sages qui ont été sauvés par la grâce de Dieu se laissent asservir de la sorte? Je crois qu'on peut mettre quasiment les quatre que j'ai nommés là. On est ignorant de notre propre salut, de la vie chrétienne. On est ignorant de ce que c'est l'Évangile, de façon claire et précise. On est ignorant des Écritures comme telles dans l'ensemble. Donc on se laisse contrôler par des gens. Il y a des modèles, on met sur un piédestal certains modèles, puis on les suit à l'aveuglette, à cause de leur vie charnelle, je pourrais dire, qui est attirante, ce genre de fausse humilité, d'un faux renoncement au matériel. Est-ce une satisfaction de la chair? Probablement aussi. Et je crois qu'il y en a qui vont suivre ces faux apôtres-là, tout simplement parce qu'ils ne sont pas l'épouse de Christ. Ils ne font pas partie de cette vierge pure. Donc, faisons attention à nous qui sommes sages, à ne pas se laisser détourner de la parole de Dieu par des insensés, qui se glorifient selon la chair. On va y revenir demain et les autres journées après. Notre bon Père du ciel, merci de cette mise en garde encore aujourd'hui. Toi qui nous dis, vous qui êtes sages en Jésus-Christ, vous qui êtes sages en Dieu, vous qui êtes sages par les Écritures, ne vous laissez pas tromper à servir par des gens qui voudraient vous remettre sous la loi ou sous autre chose. Restez attachés à la grâce de Dieu. Amen.